Chapitre 26e. David, stupéfait, regarda autour de lui. À sa droite s'étendaient les guérets à travers lesquels serpentait la route qu'il venait de suivre avec Frédéric pour arriver au faîte de la colline. Mais il s'aperçut seulement alors, en faisant quelques pas vers sa gauche, que de ce côté, ce pli de terrain était, dans une longueur de 300 ou 400 pieds, coupé presque à pic, et surplombant un grand bois dont les cimes les plus élevées n'atteignaient qu'aux tiers de l'escarpement. Du point culminant où il se trouvait, David, dominant au loin la plaine, s'assura que Frédéric n'était ni à sa droite, ni devant, ni derrière lui. Il n'avait donc pu subitement disparaître que par l'escarpement de gauche. L'angoisse de David fut terrible en songeant au désespoir de Madame Bastien s'il revenait seul auprès d'elle. Mais cette stupeur inactive ne dura pas longtemps. Homme d'un sang-froid et d'une résolution souvent éprouvée dans ses périlleux voyages, il avait acquis cette rapidité de décision qui est la seule chance de salut dans les cas extrêmes. En une seconde, David eut fait le raisonnement suivant, agissant pour ainsi dire à mesure qu'il pensait. Frédéric n'a pu m'échapper que du côté de l'escarpement, il ne s'est pas jeté dans ce précipice. J'aurais entendu le bruit de son corps tombant et brisant les branchages des grands arbres que voici là, au-dessous de moi. Il est donc descendu par quelque endroit connu de lui. Le sol est boueux, je dois retrouver la trace de sa marche. Où il a passé, je passerai, il n'a pas plus de 5 minutes d'avance sur moi. David avait pédestrement voyagé avec une tribu d'Indiens de l'Amérique du Nord et, plus d'une fois, à la chasse, séparé du gros de ses compagnons dans les forêts vierges du Nouveau Monde, il avait appris des Indiens auprès de qui il était resté à retrouver leurs compagnons grâce à des observations d'une rare sagacité. Revenant donc à l'endroit où il s'était aperçu de la disparition de Frédéric, David, pendant la longueur de 5 ou 6 mètres, ne vit d'autre empreinte que celle de ses pas à lui. Mais bientôt il reconnut ceux de Frédéric, tournant brusquement et se dirigeant vers le bord de l'escarpement, qu'il côtoyait quelque peu, puis il disparaissait. David regarda au-dessous de lui. À une quinzaine de pieds environ, la cime d'un orme étendait ses bras immenses jusqu'à toucher la pente rapide de l'escarpement. Entre cette cime branchue et l'endroit où il se trouvait, David remarqua une grosse touffe de genêts, à laquelle on pouvait arriver en se laissant glisser par une brèche assez large, ouverte dans le sol argileux. Là encore, on voyait des empreintes toutes fraîches. Frédéric a gagné cette touffe de broussaille, dit David, en prenant le même chemin avec autant d'agilité que de hardiesse. Et ensuite, pensa-t-il, Frédéric, se suspendant avec les mains, aura pu atteindre du bout des pieds une des grosses branches du faîte de l'orme, et de là, descendre de rameau en rameau jusqu'au pied de l'arbre. Chez David, l'action accompagnait toujours la pensée. En peu d'instants, il se laissa glisser jusqu'au sommet de l'arbre. Quelques petites branches récemment rompues et l'érosion de l'écorce aux endroits où avaient posé les pieds de Frédéric indiquaient son passage. Lorsque David eut lestement descendu au bas de l'orme, la couche épaisse de feuilles détachées par l'automne et amoncelée sur le sol rendit plus difficile l'exploration de la marche de Frédéric. Mais le léger tassement de cette feuillée-là où avaient posé ses pieds, le brisement ou l'écartement des taillis, très épais aux endroits qu'il venait de traverser, ayant été soigneusement observé par David, servirent à le guider à travers une large enceinte. Lorsqu'il en sortit, il fut frappé d'un bruit sourd, peu lointain, mais formidable, qu'il n'avait pu jusqu'alors remarquer au milieu du frôlement des branchages et des feuilles sèches. Ce bruit formidable était celui des grandes eaux. L'oreille exercée de David ne lui laissa aucun doute à ce sujet. Une horrible idée lui vint à l'esprit, mais son activité, sa résolution, un moment suspendue par l'épouvante, reçurent une nouvelle et vigoureuse impulsion. L'enceinte dont il sortait aboutissait à une allée sinueuse, dont le sol humide offrit pendant assez longtemps encore la trace des pas de Frédéric. David la suivit en grande hâte, car, à l'intervalle et à la disposition des empreintes, il s'aperçut qu'en cet endroit le jeune homme avait couru. Mais bientôt, un sol ferme et sec, parce qu'il était sableux et plus élevé, succédant au sol trempé des bas-fonds, tout vestige de pas disparut. David se trouvait alors dans une espèce de carrefour, d'où l'on entendait de plus en plus distinctement le bruit de la Loire, dont les eaux, extraordinairement grossies depuis peu de jours, mugissaient avec fracas. Courir droit à la rivière, en se guidant sur son retentissement puisqu'il était impossible de suivre plus longtemps Frédéric à la trace, telle fut la résolution de David, dont l'angoisse redoublait en se rappelant les adieux nocturnes adressés par son élève à sa mère endormie. Le péril était au bord de la Loire. C'est dans cette direction que David s'élança à travers bois, s'orientant d'après le bruit du fleuve. Au bout de 10 minutes, quittant le taillis en courant et traversant une prairie bornée par la jetée du fleuve, David gravissait cette jetée en quelques bonds. À ses pieds, il vit une immense nappe d'eau jaunâtre, rapide, écumante, dont le flot venait bouillonner et mourir sur la grève. Aussi loin que put s'étendre sa vue, David, haletant de sa course précipitée, n'aperçut rien. Rien que l'autre rive du fleuve noyée dans la brume. Rien qu'un ciel gris et morne d'où tombe à bientôt une pluie battante. Rien que ce cours d'eau limoneuse, grondant comme un tonnerre lointain et formant vers le couchant une grande courbe au-dessus de laquelle s'étageaient les massifs de la forêt de Pontbriand, dominée par son immense château. Réduit à une inaction forcée, David sentit son âme forte et valeureuse fléchir sous le poids d'un grand désespoir. Contre ce désespoir, il essaya, mais en vain, de lutter, se disant que peut-être Frédéric ne s'était pas résolu à une extrémité terrible. Il alla jusqu'à attribuer la disparition subite du jeune homme à une espièglerie d'écolier. Hélas, cette illusion, David ne la conserva pas longtemps. Une bourrasque du vent qui soufflait violemment dans le sens du courant du fleuve apporta presque aux pieds de David, en la faisant rouler et voltiger sur la grève, une casquette de drap bleu, ceinte d'une petite bordure écossaise que Frédéric portait le matin même. « Malheureux enfant !» s'écria David, les yeux pleins de larmes. « Et sa mère, c'est affreux !» Soudain, il lui sembla entendre, dominant le grondement des eaux et amené par le vent, un long cri de détresse. Remontant alors la jetée à l'encontre du vent que lui apportait ce cri, David courut de toutes ses forces dans cette direction. Soudain, il s'arrêta. Ces mots, exclamés avec un accent déchirant, venaient d'arriver à son oreille. « Ma mère, oh, ma mère !» À 100 pas devant lui, David aperçut presque en même temps, au milieu des eaux rapides, la tête de Frédéric, livide, effrayante, ses longs cheveux collés à ses tempes, ses yeux horriblement dilatés, pendant que ses bras, par un dernier effort, s'agitaient convulsivement au-dessus du gouffre. Puis le précepteur ne vit plus rien, qu'un bouillonnement plus prononcé à l'endroit où il avait aperçu le corps. Une lueur d'espérance illumina cependant la mâle figure de David, mais sentant l'imminence du péril et le danger d'une aveugle précipitation, car il avait besoin de toute son agilité, de toutes ses forces, et si cela peut se dire, de toutes ses aises, pour sauver Frédéric et ne pas périr lui-même, il eut l'incroyable sang-froid, après avoir jeté bas son habit, son gilet, doté sa cravate, ses chaussures et jusqu'à ses bretelles. Tout cela fut exécuté avec une sorte de prestesse calme qui permit à David, pendant qu'il se dépouillait de ses vêtements, de suivre d'un coup d'œil attentif le courant du fleuve et de calculer froidement qu'amené par le courant, Frédéric ne devait plus se trouver qu'à 50 pas environ. David calculait juste. Il vit bientôt à peu de distance et vers le milieu du fleuve flotter pendant un instant la longue chevelure de Frédéric soulevée par les eaux ainsi que les basques de sa veste de chasse. Puis tout disparut de nouveau. Le moment était venu. David, d'un regard ferme et sûr, mesura la distance, se jeta dans le fleuve et se mit à nager droit vers la rive opposée, réfléchissant avec raison qu'en coupant la rivière par le travers, en tenant compte de la dérive, il devait arriver vers le milieu de la Loire peu de temps avant que le courant n'y apportât le corps de Frédéric. Les prévisions de David ne furent pas trompées. Il avait déjà traversé le milieu du fleuve lorsqu'il aperçut à sa gauche, dérivant entre deux eaux, le corps du fils de Madame Bastien, tout à fait privé de mouvement. Saisissant alors d'une main Frédéric par sa longue chevelure, il se mit à nager de l'autre main et regagna la rive après des efforts inouïs, en se demandant avec angoisse s'il ne sauvait qu'un cadavre. Enfin, il toucha à la grève. Robuste et agile, il prit le jeune homme entre ses bras et le déposa sur le revers gazonné de la jetée, à 100 pas environ de l'endroit où il avait laissé ses vêtements. Alors, agenouillé auprès de Frédéric, David lui posa la main sur le cœur. Il ne battait plus. Ses extrémités étaient roidies, glacées, ses lèvres bleuâtres, convulsivement serrées, ne laissant échapper aucun souffle. David, épouvanté, souleva la paupière demi-close de l'adolescent. Elle laissa voir un œil immobile, terne et vitreux. La pluie continuait de ruisseler à torrents sur ce corps inanimé. David ne put retenir ses sanglots. Sur cette grève solitaire, aucun secours à attendre, et il lui fallut des secours puissants, instantanés, lors même qu'une étincelle de vie aurait encore existé chez Frédéric. David jetait autour de lui un regard désespéré, lorsqu'à peu de distance, il vit s'élever une colonne d'épaisse fumée. Un angle saillant de lâcheté lui cachait un bâtiment sans doute habité. Emporter Frédéric entre ses bras, et malgré ce fardeau, courir vers l'habitation cachée, c'est ce que fit spontanément David. Lorsque la disposition du terrain le lui permit, il aperçut à peu de distance une de ces briqueteries assez nombreuses sur les bords de la Loire, les briquetiers trouvant réunis dans ces parages l'argile, le sable, l'eau et le bois. Servi par ses souvenirs de voyage, David se rappela avoir vu les Indiens habitant les bords des grands lacs, rappeler souvent à la vie leurs compagnons demi-noyés, en ramenant chez eux la chaleur et la circulation du sang au moyen de larges pierres chaudes, sorte d'étuve grossière sur laquelle on plaçait le moribond pendant que l'on frictionnait activement ses membres avec quelques spiritueux. Les briquetiers s'empressèrent de venir en aide à David. Frédéric, enveloppé d'une couverture épaisse, fut étendu sur un lit de briques légèrement chauffé et exposé à la pénétrante chaleur qui s'exhalait de la bouche du four. Une bouteille d'eau-de-vie, offerte par le maître briquetier, servit aux frictions. Pendant assez longtemps, David douta du succès des soins. Cependant, quelques légers symptômes de sensibilité firent bientôt bondir son cœur d'espérance et de joie. Une heure après avoir été transporté dans la briqueterie, Frédéric, complètement revenu d'un lui-même, était encore d'une si grande faiblesse qu'il n'avait pu prononcer une parole, quoique plusieurs fois ses regards se fussent arrêtés sur David, avec une expression d'attendrissement et de reconnaissance ineffable. Le précepteur et son disciple se trouvaient alors dans la modeste chambre du maître de la briqueterie. Celui-ci s'était rendu avec ses ouvriers sur la jetée, afin d'observer le niveau du fleuve, qui depuis bien des années n'avait atteint une élévation pareille. Aussi, sans présager jusqu'alors un débordement, l'état de la Loire ne laissait pas d'inspirer de vives inquiétudes aux riverains qui craignaient de voir ses eaux continuer de grossir. David venait de présenter un breuvage chaud et réconfortant à Frédéric lorsque celui-ci lui dit d'une voix faible et émue « Monsieur David, c'est à vous que je devrais le bonheur de revoir ma mère. »« Oui, vous la reverrez, mon enfant, » répondit le précepteur en serrant entre ses mains les mains du fils de Madame Bastien. « Mais comment, n'avez-vous pas songé que vous tuez? C'était la tuer, votre mère. » « J'ai songé trop tard. Alors je me sentais perdu et j'ai crié « Ma mère !» comme j'aurais crié « Au secours !» Heureusement, ce cri suprême, je l'ai entendu, mon pauvre enfant. Mais à cette heure que vous voilà calme, je vous en conjure, dites-moi. » Puis s'interrompant, David ajouta « Non. Après ce qui s'est passé, je n'ai pas le droit de vous interroger. J'attendrai un aveu que je ne désire de voir qu'à votre confiance. » Frédéric sentit la délicatesse de David, car évidemment celui-ci ne voulait pas abuser de l'influence que lui donnait un service rendu pour forcer les confidences du fils de Madame Bastien. Celui-ci reprit donc, les larmes aux yeux, « Monsieur David, la vie m'était à charge. Je jugeais de l'avenir par le passé. Je voulus en finir. Cependant cette nuit, au moment où pendant le sommeil de ma mère j'étais lui dire adieu, mon cœur s'est brisé. J'ai songé à la douleur que je lui causerais en me tuant. Et un moment j'ai hésité, mais je me suis dit, ma vie coûtera peut-être plus de larmes à ma mère que ma mort. Et je me suis décidé à en finir. Ce matin, je lui ai demandé qu'elle me pardonnât les chagrins que je lui avais causés. Je vous ai aussi prié de me pardonner mes torts envers vous, monsieur David. Je ne voulais emporter avec moi l'animadversion de personne. Pour éloigner tout soupçon, j'ai affecté un air calme. Certain de trouver dans la journée le moyen d'échapper à votre surveillance ou à celle de ma mère. Votre offre de sortir ce matin a servi mes projets. Je connaissais le pays. J'ai dirigé notre promenade vers un endroit où je me croyais sûr de vous échapper et d'échapper à votre secours, car je ne sais comment il vous a été possible de retrouver mes traces, monsieur David. Je vous raconterai cela, mon enfant, mais continuez. La précipitation, l'ardeur de ma course, le bruit du vent et des eaux m'avait comme enivré, et puis, à l'horizon, j'avais vu se dresser devant moi comme une apparition le... Mais Frédéric, dont une légère rougeur avait coloré les joues, n'acheva pas. David compléta mentalement la phrase et se dit « Ce malheureux enfant, à ce moment désespéré, a vu, dominant au loin la rive du fleuve, le château de Pontbriand. » Frédéric, après un moment de silence, poursuivit « Je vous le disais, monsieur David, j'étais comme enivré, comme fou, car je ne me rappelle pas à quel endroit du fleuve je me suis jeté. Le froid de l'eau m'a saisi. Je me suis vu mourir, alors j'ai eu peur. Alors la pensée de ma mère m'est revenue. Il m'a semblé la voir, comme en rêve, se jeter sur mon corps glacé. Je n'ai plus voulu mourir, j'ai crié « Ma mère, ma mère !» en essayant de me sauver, car je sais bien nager, mais le froid m'avait engourdi. Je me suis senti couler à fond. En entendant le fleuve gronder au-dessus de ma tête, un effort désespéré m'a un instant ramené à la surface de l'eau, et puis j'ai perdu connaissance pour me trouver ici, monsieur David. Ici, où vous m'avez apporté, secouru comme votre enfant, ici, où ma première pensée a été pour ma mère. » Et Frédéric, fatigué par l'émotion de ce récit, s'accouda sur le lit où on l'avait transporté et resta silencieux, le front appuyé sur sa main.